À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 13 un message au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire indique que le camarade Kim Jong-il a contribué remarquablement à remporter la grande victoire dans la lutte pour le progrès et le développement de la République populaire démocratique de Corée et pour la défense du socialisme et de la nation. Pour terminer, il souhaite que le maréchal Kim Jong-un mène à bonne fin la révolution coréenne, dont la mission fondamentale est de réaliser l'œuvre du Parti de la Révolution, de la patrie et du peuple, ainsi que l'émancipation du monde, qu'avait conduite le dirigeant Kim Jong-il, éternel dirigeant du Parti du Travail de Corée.